pourquoi avoir choisi Austin Power comme introduction ? Ah, j'adore l'ambiance de la scène quand ils chantent du rap en prison pour leur évasion. Si vous ne l'avez pas vu, ce film, c'est un bon film. La prison, ça te parle ? Oui, la prison, c'est dur, je connais. Je suis allé un mois, puis 3 mois libéré pour bonne conduite, et la dernière, ça a été 1 an. As-tu en ce moment une copine ? Tu connais les femmes, c'est difficile. Elles ont leur caractère et si t'es pas à la maison comme un toutou, c'est compliqué les femmes. Si tu devais te décrire en 3 mots, tu serais quoi ? Facile. Un animal, une panthère. Un objet, une gomme. Et un métier, dessinateur. Peux-tu décrire la trilogie The Mafia en commençant par le premier ? Alors mon premier opus, Triple Back de The Mafia, ça a été un renouveau pour moi. Il est sorti en 2018, c'est le seul. J'ai posé les bases sur l'album, un côté un peu personnel pris sur moi. On le retrouve cet esprit dans 20h20 aussi, un peu un côté obscur avec des histoires personnelles. Ok, et pour le deuxième ? En fait, le deuxième album, Humour Noir Carambar de The Mafia, ça a été beaucoup de préparation parce que j'ai voulu évoluer, faire aller à contre-pas de ce qu'on fait, ce qui se faisait à ce moment. Et j'en suis très content. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est ta prochaine piste ? L'argent contre le savoir. Des questions à se poser. Quel est le message que tu as voulu faire passer ? Le message est un peu plus simple. Si t'as pas d'argent, tu peux pas étudier. Tu es contre ce système ? Oui, et je l'affirme, car rien n'est gratuit, ils nous mettent la carotte. Sans plus attendre, la chanson.